Chapitre 19. Le feu au couvent. Il y a une grande expansion physique et morale de tout l'être à l'heure sacrée où le prisonnier est rendu à la liberté. Je l'éprouvais, ou plutôt je la devinais, car c'est à peine si j'eus le temps de fêter le bon air du ciel qui venait inonder mes poumons. La lecture de la lettre qui termine le précédent chapitre m'avait mis un grand poids sur le cœur. Elle était de monsieur l'intendant général de police, j'en avais la complète certitude, quoique je ne connusse pas son écriture. À part quelques petits travers, exagérés par la gaieté publique, monsieur de Sartine était pour moi, comme pour tout le monde, un magistrat habile. Et, quoique la morale pure eût peine à admettre les moyens arbitraires qu'il employait par goût pour maintenir la sécurité dans Paris, on ne pouvait méconnaître le bien matériel qui résultait très souvent de son administration. Il avait coutume de chercher des points d'appui en dehors de la police, je savais cela. Je sentais qu'il m'englobait dans une expédition où son mobile à lui n'était pas du tout le même que le mien. J'aurais donné de mon sang pour être renseigné, pour connaître au juste la nature du danger que j'avais à combattre. Quelque chose me disait qu'il était terrible, peut-être mortel. J'essayais de réagir contre ses craintes. Que pouvait-on redouter à l'intérieur d'un couvent? Je me taxais moi-même de folie. La pensée d'Olivier de Raguenel me venait. Il me semblait que tout aurait été sauvé si j'avais eu un pareil auxiliaire. J'allais cependant de toute la vitesse de mes jambes en montant la rue Saint-Jacques. On m'avait rendu à la conciergerie, heureusement, mon chapeau et mon épée. Je n'aurais pu me procurer une arme nulle part, toutes les boutiques étant fermées. Impossible de trouver un fiacre. On connaît la physionomie de Paris les jours de grandes fêtes. Toute la vie de l'immense cité se concentre en un seul point. Le reste est mort. La nuit venait d'autant plus vite que de gros nuages étaient au ciel. Il faisait une chaleur étouffante. Je rencontrais, çà et là, le long de l'interminable rue, quelques familles pressées qui se hâtaient vers la fête, parlant du feu d'artifice et gourmandant la lenteur des enfants par la menace d'arriver trop tard. De temps en temps, un rang de lampions se montrait aux fenêtres, comme pour rendre les ténèbres plus sombres. Quand j'arrivais à la hauteur de l'église Sainte-Geneviève, il faisait nuit tout à fait. Pour gagner par le plus court chemin du Val-de-Grâce, il eut fallu prendre les derrières du couvent des Ursulines. Mais je ne sais quel instinct me poussa à suivre tout droit le faubourg Saint-Jacques et à repasser par la rue même des Feuillantines où j'avais eu mon aventure de nuit le soir de mon arrivée. Je revis l'immense couvent silencieux et sombre tel qu'il m'était apparu alors. Dans la rue étroite, il n'y avait pas une âme, et je remarquai avec étonnement que les deux réverbères, placés à longue distance l'un de l'autre, n'étaient pas allumés. Aussi, dans cette nuit profonde, dès que j'eus tourné le coin du faubourg, j'aperçus la lueur qui filtrait par les volets de la maison située en face du portail du monastère. Je la connaissais bien, cette lueur. Le dessin particulier qu'elle affectait réveilla violemment mes souvenirs. C'était ici que j'avais entendu un menaçant lambeau de conversation. Aurais-je dû dormir tranquille depuis lors? Aurais-je dû oublier un seul instant l'inquiétude qui était née en moi cette nuit-là? Je m'approchai vivement et sans bruit de la masure. À l'intérieur, on ne parlait point au moment où je mis mon oreille au volet. Je regardais après avoir écouté. Je vis un blessé couché sur un matelas. À ses côtés étaient deux femmes, une vieille, qui ressemblait assez à la gouvernante des brigands dans Gil Blas, et une jeune, que je crus reconnaître pour la comtesse, qui m'avait embrassée si cordialement chez le chevalier Zeno en m'escamotant ma bague. Je ne pouvais pas perdre beaucoup de temps à écouter, mais au moment où j'allais reprendre ma course, la comtesse dit « Monsieur de Raguenel est de service au pont tournant des Tuileries. Le petit chevalier se dévore le sang au Châtelet. À moins que le diable ne s'en mêle, nous gagnerons le gros lot cette nuit. » Le blessé gronda un blasphème. « Et moi, me voilà éclopé, » dit-il. « Corbleu, je ne suis pas un couvreur pour monter sur les toits. On aurait pu charger un autre que moi de verser de l'huile là-haut. Tu partageras, Grippe-Soleil, répliqua la vieille. Ça va brûler comme le feu d'artifice du roi. Le pavillon est isolé, nous sommes maîtres des jardins. Je parie qu'avant 10 minutes, nous allons voir les nuages rouges. Je fis un grand effort, car le cœur me manquait. Je comprenais, et une angoisse terrible me pesait sur la poitrine. Je m'élançai vers le chemin du Val-de-Grâce. Que la route me parut longue, enfin j'atteignis la poterne. Elle était fermée. Je m'appuyai contre le mur pour ne point défaillir. « N'y a-t-il personne ici ? » demandai-je. « Dites votre nom, » répondit une bonne petite voix derrière la porte. Je prononçai mon nom, et tout aussitôt la jolie Babette parut à mes côtés. C'était elle, on s'en souvient, qui m'avait guidée jusqu'à moitié route la première fois que j'étais venue aux Feuillantines. « Ah, chevalier, » me dit-elle, « moi qui croyais si bien en vous, comment se trompe, et dire que vous nous avez abandonnés pour vous faire un mauvais sujet. Où est Hermine ? » m'écriai-je. « Ne demeure-t-elle pas dans un pavillon ?»« Si fait, au bout des jardins, et c'est heureux, car le jardinier et ses aides se sont sauvés pour aller à la fête, et mademoiselle pourra arriver jusqu'à la voiture sans obstacle. » « Où est la voiture ?»« Ici, derrière le massif. » « Courons, n'avez-vous rien vu d'extraordinaire ce soir, ma fille ?»« Si fait, mais je suis si peureuse. À Vitré, nous voyons partout des revenants. Il m'a semblé qu'en venant du pavillon ici, je voyais de grandes ombres noires. « Courons !» En marchant, elle continua, tremblant déjà de l'épouvante que mes questions faisaient naître en elle. « J'y pense, monsieur le chevalier. Je suis bien sûre d'avoir ouï du bruit sur le toit du pavillon, comme quelqu'un qui travaillait. » Je pressai le pas. « Que Dieu ait pitié de nous !» fit-elle. « Voilà les jambes qui me manquent !»« Je vous porterai. N'avez-vous aperçu aucune trace de feu ?»« De feu ? Seigneur Jésus ! Mais, au contraire, je me souviens maintenant. Quand je suis partie, j'ai senti une odeur de fumée. Je croyais que c'était les lampions allumés dans le faubourg Saint-Jacques. » Elle poussa un cri. Nous tournions une allée. Une grande lueur nous apparut à travers les feuillages. Babette se jeta sur moi, folle d'épouvante. Je l'enlevai dans mes bras. Désormais, je n'avais plus besoin de guide. Le pavillon flambait et me montrait la route. Je piquais, tête baissée, à travers les fourrés. C'était une petite maison que les massifs pressaient de toutes parts. On aurait presque dit une loge au milieu des bois. L'incendie avait dû être allumé en plusieurs endroits à la fois, car le toit était en flammes et le rez-de-chaussée commençait seulement à brûler. Babette me serra le bras convulsivement au moment où nous débouchions du fourré. « Les voilà !» balbutia-t-elle. « Ah, les démons !» Il y avait une échelle dressée contre le mur de la façade et deux hommes montaient. En même temps, une fenêtre du premier étage s'ouvrait et une femme échevelée y parut criant « Au secours !» J'ouvris les bras, oubliant que je portais la pauvre petite Babette qui tomba comme un fardeau qu'on lâche. En deux bonds, j'atteignis l'échelle que je saisis par le pied. Les deux hommes furent précipités et touchèrent le sol en hurlant. La femme de la fenêtre criait toujours, appelant tous les saints du paradis. Ce n'était pas Hermine. On demanda sous le couvert à 20 pas de moi. « Faut-il descendre cet oiseau-là ? » « Pas de bruit, » fut-il répondu, « qu'on l'assomme. » En vérité, ce n'était pas bien difficile. Au lieu de faire face à ce danger, je dressais de nouveau l'échelle. Je ne tirais même pas mon épée du fourreau. Mais Babette, que j'avais oubliée, glissa entre moi et le mur. Une clé tourna dans la serrure de la porte d'entrée. « Vite !» cria Babette. Je m'élançai au moment où 5 ou 6 ombres, violemment colorées par l'incendie, sortaient du bois. Et Babette me dit, en refermant la porte en dedans à double tour, « Courage, monsieur le chevalier. Heureusement que vous ne m'avez rien cassé en me jetant comme un paquet. Si vous reprenez votre tête, on peut encore la sauver, il y a une autre issue. » Nous montions l'escalier 4 à 4 pendant qu'elle parlait.